l'éducation. Et c'est plus trop notre passion. C'est comme ce soir, le ciel est gris. C'est comme la nuit, la mer est noire, comme du goudron. L'école est une inculcation. Imagination, on nous empêche de rêver, on nous défend de respirer, tout est si noir. L'école est une inculcation. On n'est pas tous des poissons. On nous enferme dans des aquariums. Mais les bulles sont trop pleines d'ozone. C'est dégoûtant. L'école est une inculcation. Enfermé dedans depuis le stade de l'embryon. Cherche pas ta vie, c'est déjà fait. Eh oui, ton destin est barricadé et programmé. L'école est une inculcation. Où tu pleures et où tu dis pardon. Ça sert à quoi une planète? Quand t'es soumis et quand t'as rien dans la tête pour toute ta vie.